Hey, c'est Transvisible, la première asso trans sur Calais. On se réunit pour parler de transidentité et surtout redonner la parole aux personnes concernées.